dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Justine Renaud viendra nous faire tourner un album qui a marqué dans Justine aux platines. Stéphanie insérera un CD dans notre beau lecteur et appuiera sur Play dans le poste d'écoute et on achètera plein de choses dans Sexis, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 19 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hola, Stéphanie Paradis! Hello! Hello, hello! Surprise, t'es là! Genre comme tous les mercredis et jeudis, mais moi, ça me surprend tout le temps parce que quand même, la semaine change au milieu, comme il y a une métamorphose, c'est plus la même émission, t'arrives là. Tu t'es pas encore habitué à ce changement-là? Pas encore, après 3 mois, genre, 2 mois. Ah, ben non. On a juste à sacrer Jean-Philippe dehors. Ben, c'est... Tu vas rester tout le temps. Ah, c'est ça ton plan, hein? Tu t'incrustes tranquillement, pas vite, et l'automne prochain, ça va être juste toi. Non, mais as-tu vu, je fais ça subtilement, là. Les gens autour pensent que c'est leur idée, là. Mais moi, dans le fond, là, je me faufile. J'ai commencé l'année passée quand j'ai remplacé François-Olivier pendant un petit bout du congé de paternité. Ouais. Je me suis faufilée. Puis là, ben, je fais à moitié. Après ça, le 3/4, tu vas sûrement prendre le 3e jour à un moment donné, tu sais. Puis probablement aussi qu'à un moment donné, je vais faire le Stéphanie Paradis Show avec Stéphanie Paradis. Là. Avec ma blonde, avec ma mienne. Ce sera encore plus parfait. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, à l'émission, on reprend un petit peu ce qu'on a oublié de faire hier. Enfin, on n'a pas eu le temps. On avait promis, Jean-Philippe avait dit qu'on prendrait le temps pour faire King Sexy Time. Donc, on va le reprendre aujourd'hui parce qu'on n'a pas tenu notre promesse d'hier. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Tu en hérites et je pense que ça va t'irriter. Je sais pas J'espère que c'est comme le vélo, là, que ça se perd pas. Ah. Puis que ça fait mal dans la fourche. Tu sauras me le dire tantôt. On va aussi faire Sexy, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique de gadgets inutiles, comme on le fait toujours le mercredi. C'est la journée pour ça. Ben, maison. Ben, maison. Tout le monde est en train de se reboutonner le chemisier comme si, ouh, kinky. Tout le monde, juste ouh, moi. Ouh, on remonte le zipper de la veste, non? On va aussi avoir le poste d'écoute à 9h en fin d'émission. C'est toi qui fais ça, Stéphanie? Oui, ben oui, merci de me le rappeler. Ouais. C'est nouveau depuis, ça fait 3 fois, ça va être la 3e fois. Oui. C'est ça. Toi, est-ce que tu vas avoir cette habitude? Comme moi, je m'habitue pas du tout à la co-animation avec toi et JP séparés. Non, mais hier, je faisais, ah mon Dieu, j'ai goût de la musique. Mon Dieu. Bon, on va débuter avec Justine Renaud, juste là, dans quelques secondes, avec Justine aux platines. Elle s'en vient. On peut même lui dire bonjour. Elle joue au curling avec sa clé USB. T'as pas de balai, t'as pas réussi à te rendre. Je me suis pas réussi. Ben non. Oh, mais c'est à toi de balayer, Mathieu. Elle lance la pierre et toi, tu balais. Ah! Ouais, non, je me suis pas rendu au bouton. Donc, je dois sortir mon manche, c'est ce que je suis supposé faire. Ouais, puis balaye. Celui-là avec le poil. On commence l'émission avec Charlie Foxtrot, nouvelle entrée du palmarès francophone, et on vient avec Justine juste après. Sans penser. Les gens réclament. On veut les comptes. laisser ça passer! Une nouvelle entrée de Charlie Foxtrot en 20e place francophone, c'est la mémoire courte à Assemblage Requis. Maintenant, Stéphanie. C'était quoi la toune? C'était la mémoire courte. Oh, tu t'en rappelles plus déjà. La mémoire courte. Voici Justine aux platines. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gon' talk about when I let it all out. Bon Mathien. Bon Mathieu. Bon Mathieu. Plante. Bon Stéphanie Paradis. Plante Paradis. Hey, tu vas pas faire une émission comme Paradis le midi ou une émission... Ah! Le Paradis du midi comme les démons du midi dans le temps avec Serge... Non, je parle plus d'une émission... Serge Postigo. Serge Postigo qui était là. Non, c'était plus Suzanne Lapointe. Serge Postigo. Ça... Fais tout le temps qu'il change la petite mousse de son micro, lui. Jules Dussopt. Jules Dussopt avec ses yeux. Moi, je continue à parler de ça. C'est n'importe quoi. Non, mais Paradis, Plan de Paradis, on dirait une émission politique à LCN, genre. Ouais. Plan de Paradis. Ouais, Plan de Paradis, comme La Roque et la Pierre. C'est ça, exactement l'exemple que j'avais en tête. C'est qui de gros entre les deux? C'est Tom ou Jerry, on sait plus. T'sais. Tom and Jerry? On a déjà parlé de ça ici. Boulet Bill. Boulet Bill. Hein? Oh. Japi, mon toutou, Japi. Tu sais, le Japi, là, le chien, là. Le chien. Qui était le père de l'autre chien. Non. Ah, dans Tom and Jerry. Il fallait pas que vous m'ameniez là. Moi, j'ai écouté beaucoup trop de Tom and Jerry quand j'étais petite. Ça nous apprendra à parler, finalement. Hein? Moi, la cassette était tout le temps lourde, le vidéo. J'ai jamais pu l'écouter le film. Oh! T'avais pas ça, une télé? Le câble. Non, mais je voulais voir le film. Ah, j'ai jamais vu le film, moi, non plus. Ah, c'est le loup, un moment donné. Ouais, que ce serait cool. Un paradis le midi. Paradis le midi. Une nouvelle émission où on fait juste ses foirées, regarde la télé. Là, on relate des faits d'enfance, mais vous savez que mon émission a quand même un peu rapport avec l'enfance, peut-être. Ta chronique, tu parles? Oui, ma chronique, pendant un segment, a parlé des albums qui ont marqué mon enfance. En ordre chronologique. Et là, en ce moment, on a dépassé l'enfance, on a dépassé la puberté et les poils. On est rendu un peu secondaire 5, début cégep. La semaine dernière, je vous ai fait... Bon, pas la semaine dernière, je suis désolée. Moi, puis la chronologie... La dernière fois qu'on s'est rencontrés. La dernière fois, c'était tellement bon. C'était The Hives. Je dis ça, en tout cas. Tu dis ça, puis tu lis pas ta phrase. Puis, voilà, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de... Tu sais, comme on dit. De pas finir, mais... Et cette semaine, en fait, là, puisqu'on est rendu, on est un peu sortis du bois avec les affaires là, déprimantes, mais... Un petit dernier élan là, de quelque chose d'un peu bizarroïde qu'on entend juste là, dans notre adolescence. On est comme « Ah, oh, moi, je vais écouter cet album-là, puis je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. » Ben, pas tant que ça. C'est plus bizarre que déprimant. Là. Mais c'est Portishead. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un grand, grand, grand groupe trip-hop. Là. Ils ont marqué là, l'histoire du trip-hop à tout jamais. Moi, tu vois, la seule chose que ça me dit quand tu me dis Portishead, c'est qu'apparemment, il faut dire Portishead, mais l'autre, il faut dire Sinead O'Connor. Parce que là, je me mélange entre Portishead ou Portishead, puis Sinead ou Sinead. Je sais pas lequel qui va à lequel. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que c'était Portishead. Ça se peut. Moi, hein? Ma mère, elle disait Portishead. Fait que peu importe ce que ma mère a dit, je vais le dire. Hein? Bon. Puis, Sinead O'Connor, qu'est-ce que c'est ça? Ma mère, elle a toujours dit Sinead O'Connor. Ben, moi aussi, c'est ça. C'est mieux. Hein? Qui dit Sinead O'Connor? Ah ouais. C'est bon. Sinead O'Connor. OK. Suffit là. Portishead. Ah, en fait, ils sont sur le même continent, ces deux-là. Hein? Ah. En Europe. Mm-hmm. C'est deux Angleterriens, donc Portishead et Sinead O'Connor. Sinead étant probablement irlandaise avec le nom qu'elle a. Mais c'est pas pantoute de ça que je vais vous parler. Plus précisément, en Angleterre, il y a la ville de Bristol. Et cette petite ville-là, mais je sais pas si elle est petite, en tout cas, c'est une ville. Hein, habitants. Il y a des habitants, puis des édifices, puis probablement un ou deux postes de police. Des habitants, sûrement des gens de classe aussi, tu sais, quand t'as des habitants. Et voilà, exactement. Ouais. Uh-huh. Oui. Cette ville-là, dans le fond, a vu la naissance du groupe, mais pas juste de ce groupe-là, mais plein d'autres groupes trip-hop tels que Massive Attack. C'est bon, ça. Massive Attack, c'est excellent. Un autre groupe trip-hop qui, d'ailleurs, la chanson thème de House, c'est de Massive Attack. Donc, dans la plupart des pays, parce qu'il y a deux versions à l'international. Puis, En tout cas, la chanson Teardrop, Teardrop? Teardrop, je crois. Mm-hmm. En tout cas, elle est vraiment bonne. C'est un petit bébé dans un petit fœtus qui flotte dans du jus, là, si vous allez voir le vidéoclip. Donc, essentiellement, le trip-hop, c'est des chansons un peu troublantes comme ça. Et Dummy est le premier album de Portishead qui est sorti en 1994, donc au tout début des premiers élans et des premiers battements d'ailes du trip-hop, ils ont complètement révolutionné le monde du trip-hop en faisant populariser cette musique-là. Si on regarde la couverture de l'album, elle consiste enfin en une photo de Beth Gibbons, la chanteuse, dans le court-métrage « To Kill a Dead Man ». Et ce court-métrage-là a été écrit et réalisé par Portishead en 1994. On retient la date. Retenez la date, ça va être à l'examen. C'était juste un peu la sortie de l'album « Dummy ». Et c'est ce film, dans le fond, d'espionnage-là, parlait d'un assassinat et relate les faits au travers des yeux de la jeune femme qui accompagnait la victime qui a été tiré par une balle, par un tireur sur un toit, tel n'importe quel bon film d'espion des années 60. Donc, Portishead était vraiment super influencé par les films d'espion, blablabla. Ils se sont dit, on va faire un film, on va faire la trame sonore. Et c'est en fait ce court-métrage-là et la trame sonore qui leur ont permis de signer un contrat de disque. Donc, sans ce court-métrage-là, probablement douteux d'une durée de 10 minutes en blanc et noir, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour colorier. En blanc et noir, ça, c'est le contraire du noir et blanc, j'imagine. Négatif. C'est ça, c'est négatif. Le film était tourné en négatif. Ouais, non. Fait que c'est ça. Fait que ça leur a permis de vraiment signer un contrat de disque et de sortir cet album-là qui, mine de rien, même s'il est paru in extremis dans le sens que sans le court-métrage, il n'aurait pas eu lieu, en date de septembre 2011, a été certifié double platine. OK? Fait qu'on s'entend que du trip-hop, il y a à peu près 3 personnes sur 100. 3% Et ça, ce de n'est la pas population. Scientifique, en passant. C'est pas scientifique. 3% des gens qui connaissent c'est quoi. Marge d'erreur. Même 3%. Peut-être plus petit, là, je sais pas. Fait que c'est vraiment pas très populaire. Pourtant, ça vraiment, là, je veux dire, pour que des gens comme. Tu sais, je veux dire, oui, ma mère a du goût musical, beaucoup, beaucoup de goût musical, mais pour que ça se rende en Amérique du Nord, moi, j'ai trouvé ça quand même phénoménal parce que je vais vous faire entendre tout à l'heure, ça pourrait être un petit peu marginal comme musique. Vous allez comprendre pourquoi. Hormis cette double platinudité. Cette platinudité. Cette platinudité. Dummy a gagné en 1995, c'est-à-dire l'année d'après. Oh, bon en mathématiques. Les Mercury Music Prize Awards. Et il y avait d'autres finalistes en liste, tels que PJ Harvey ainsi que Oasis. Donc, on sentait que la compétition était assez féroce, pour ne pas dire farouche. Farouche. Farouche. Fabienne Larouche. Oui, Fabienne Farouche. Fabienne Farouche. Non, non, ça a déjà été fait, ça. Sûrement, ah, j'imagine, je sais pas. Faut que ça... Oui. Oui. Fabienne Larouche était une lesbienne farouche. C'est ça. C'était trop facile. Puis parmi d'autres, j'arrive pas à comprendre, j'ai dit c'est trop mal arrêté, vraiment. Parmi d'autres prix qu'ils ont gagnés, ils ont souvent gagné genre des top 3, top 10, top 30, top 100 de plusieurs types de catégories différentes, dont une top 30 des meilleurs albums de rupture. Ça, c'est bon. Top 50 des meilleurs albums de 1994. Donc, quand même. Et top 500 à deux reprises dans deux magazines différents, dont Rolling Stone Magazine. Top 500 des meilleurs albums de tous les temps. Mm-hmm. Donc, Dummy à écouter. À part de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait après Dummy? Parce que Dummy était en fait l'album dont je voulais discuter aujourd'hui. Les deux autres albums qui sont sortis subséquemment sont Portishead, leur album éponyme. D'habitude, les gens commencent par l'album éponyme, mais là, eux autres, ils ont dit non. Des rebelles. On fait à l'envers. Mm-hmm. Et le troisième album, par exemple, ils ont été très conventionnels. Ils l'ont appelé Third. Oh, quand même. OK, parce que je me serais attendu, après Dummy, ils auraient pu faire Dummy More. Dummy More. Plus de Dummy. Dummy More. Oh my God. Oh my God. Et voilà, ils ont sorti que ces trois albums-là. Trois albums excellents, je dois dire. Et aujourd'hui, j'attends juste le prochain album, patiemment sur mon divan. Puis l'été, quand il fait chaud, je me mets en petite culotte. Ouais, fait que... C'est détaillé, ça. C'est détaillé. On va aller tout de suite écouter la première chanson qui est excellente, qui s'intitule Mr. Rounds. Et on va aller écouter après ça deux autres chansons. Mais je vous dis tout de suite, là, c'est un quiz télévisé, audiovisuel, les choses. Vous devez trouver l'instrument bizarre, okay? Parmi les trois chansons, vous devez trouver l'instrument bizarre et on écoute tout de suite la chanson Mr. Hans de Portishead. Et on ouvre grand les oreilles. Rounds

C'était Glory Box de Portishead, une belle chanson qui est un peu, je sais pas, sensuelle, jazzée, plein de couleurs, fait penser à du romarin et des épices avec un gin on gava. Un gin on gava? Oui. OK. C'est hein? comme on the rocks, mais à la place, c'est sur non, la... Non, c'est le gin on gava. La baie d'on gava. C'est okay. le gin, un des meilleurs gins fabriqués au Québec. Ah. C'est un gin couleur jaune. Je ne savais pas. Hey. Pipi. Je ne savais pas. Il est écœurant. Mm-hmm. Il est écœurant. Telle la musique de Portishead. Oui. Juste avant ça, on écoutait Strangers. Et juste avant ça, c'était Mr. Rons du Nous Misterons, Vous Misterez, Il Mystère. La OK, conjugaison. OK, c'est pas monsieur Dessus. Non, Mr. Rons. Madame en dessous. La dame en dessous. Et je vous ai lancé un ultimatum. C'était pas un ultimatum, mais je vais dire comme si, parce que si vous répondez pas, vous allez tous brûler en enfer. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je peux être envoyé, amené en cours pour avoir dit des affaires de même en ondes? Ben, je sais pas. Ultimatum, sulfral de Jerry, ça, ultimatum Jerry. Vas-y, continue, excuse-moi. Ultimatum and Jerry, continue. Oh mon dieu! Ultimatum and Jerry Kids! Miroir, ricochet! C'est Yvan Ponton! Oui! En dessin animé! C'était bon! Et les grosses oreilles qui font flou flou flou! C'était super bon cette émission-là! Ouais. C'était full intello! J'ai appris plein d'affaires! Comme la capitale genre du Djibouti. En tout cas, c'est quoi? Djibouti, je pense. Je te jure. Je pense que la capitale du Djibouti, c'est Djibouti. Tu peux-tu vérifier? Pendant que je vous refais la question qui était de... Ça s'écrit comment, Djibouti? D-J-O-U-B-I-T-I. Google va te le corriger, n'est-ce pas? Ah, tu l'as? Oui, la capitale, c'est Djibouti. Yeah! La devise, c'est le franc Djibouti. L'hymne national, c'est le Djibouti. Hein? Puis le président, c'est Ismaël Omar Djibouti. C'est Djibouti. Non, c'est pas Djibouti, t'es en train de mentir. C'est Guélé. Omar Guélé. Ismaël Omar Guélé. Donc, est-ce que vous avez trouvé l'instrument bizarre qui s'est immiscé parmi les trois chansons qui sont déjà assez bizarres? Dans la première chanson, c'était clairement le fantôme. Exactement, c'était le fantôme. Ouh. Fait qu'il y avait un fantôme qui jouait et qui faisait des « ouh », OK, puis qui se revirait de bord quand tu te revirais de bord. Là. C'est un peu comme dans Mario. C'est ça. Et le nom de cet instrument-là, c'est le térémine. C'est pas une térémine, c'est un térémine. Ah, hein? Oui. C'est comme pas une trampoline, c'est un trampoline. C'est pas une trampoline, c'est un trampoline. Et le térémine est un des plus anciens instruments de musique électronique. Fait que dans ce temps-là, là, les raves, là, c'était comme vraiment des « ouh », la musique électro. Et ça a été inventé en 1919 par le russe Lev Sergeyevich Termin, aussi connu sous le nom de Léon Térémin. Composé d'un boîtier électronique équipé de deux antennes, dont une antenne qui module la fréquence et l'autre antenne qui module un peu le volume, on va pouvoir faire des sons sans toucher à l'instrument. Donc, c'est un peu comme dans le film, sais-tu 40 Days and 40 Nights? Le film là, avec Josh Hartnett, là, où ce qui fait l'amour à la fille sans la toucher avec une pétale de fleurs. Là. Ah, c'est wow. un peu comme ça. Fait que la fille, elle crie tout plein, mais le gars, il touche pas. Fait que c'est un peu comme ça, le principe de cet instrument-là. Vous avez aussi vu cet instrument-là dans le film culte québécois Carmina. Oui. Oui, hein, ils jouent de la térémine. Et dans le fond, ils font promener leurs mains autour des deux antennes. Ils font des bruits avec ça. Puis c'est assez bizarre, en fait. Et cet instrument-là a été conçu tout d'abord après la guerre, ben, pour la guerre civile en Russie de 1920. Finalement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Dans le fond, les personnes n'ont pas eu peur du fantôme. Je sais pas c'était quoi le but, là. Vraiment pas. Je pense que c'était pour détecter, c'était un peu un type de radar pour détecter comme la présence de je sais pas quoi, là. J'ai essayé de lire, puis j'ai rien compris. je comprends rien. Mais finalement, ça donne un instrument de musique très marginal que plus personne ne ou presque plus personne n'utilise aujourd'hui. Ils utilisent pour être original, pour faire différent des autres. Voilà. Mais j'ai un ami, par exemple, qui s'est acheté récemment un hautbois. Ah ouais. C'est cool, ça! Ouais. Bon, je vais y faire le message. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire dans la vie, moi, Nicolas, je joue du hautbois. Ouais, Nicolas, tu es cool, tu joues du hautbois. Puis ça s'appelle comment, quelqu'un qui joue du hautbois? Un hautain. Bon. Donc, c'était tout pour Portishead cette semaine. Un petit groupe qui a su égayer, non finalement déprimer mes soirées, mes fins de semaine de jeunes femmes en devenir. Mm-hmm. Stéphanie? Un joueur de hautbois se nomme hautboïste. Hautboïste! Ça s'appelle un hobo. Un hobo. Faut que tu donnes de l'argent tout le temps. Pourquoi t'as vu? Hey, ça a tellement de cloche. Mon Dieu, un hobo, c'est loin d'être... on dirait une des tours de Saruman. Tu sais, Saruman, là, à un moment donné, il y a une tour qui fabrique plein d'affaires dans Le Seigneur des Anneaux. Là. OK, t'en as-tu des références, toi, que je connais pas? Wow! Ça a vraiment l'air de ça. Mais ça, c'est la version hobo moderne. Là. Oui, j'espère, parce que je pensais qu'un hobo, ça avait même pas de touche. Ah, t'as ça le hautbois baroque. Ouais, c'est comme une clarinette, mais expert, tu sais. Ouais. Niveau c'est hard. Expert level, ah, c'est genre, s'il y avait un guitar hero, un clarinette hero, là, tu sais, celui le plus élevé, ce serait hautbois. Mais hautbois, j'aimerais ça. C'est quoi un hautbois en anglais? Highwood. Oh oui, Highwood. Donc, merci. Ça, c'est oboe. C'est oboe. Oh, c'est ça. O-B-O-E. C'est oboe. C'est comme back. Là, il a fait tout un concerto en oboe. Oui. For hobos. Il faisait tout un après-l'autre back-to-back. Donc, Justine Renaud, la semaine prochaine, non, c'est pas. Mercredi à 7h30 environ. C'est aux deux semaines ici à Assemblage Truc. Oui, je suis aux deux semaines. Il y en a qui sont au bois, il y en a qui sont au deux semaines. Après ça, est-ce qu'on parle d'Unité 9? On parle d'Unité 9 tantôt, OK. Non, je ne l'ai pas écouté hier. Ah, shit! Spoiler! Au retour, on a deux chroniques, ça existe, mais ça devrait répondre là? On fait ça? Non. Qui c'est que ben oui, moi, c'est ça. Ça fait très longtemps. Génial. Je suis en manque. On te fait ça dans quelques instants. Fait qu'on va parler d'Unité 9, finalement. Unité 9. Unité 9. Ah, oh, c'est bon, ça, j'aime ça. Vous êtes dans la zone 89.1. Dis-moi dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 19 mars 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a toujours Justine Renaud avec nous pour faire Kinky Sexy Time dans quelques instants. Oui, je ne reste que pour ça. Oh, que oui. Juste après ça, ça va être ça existe. Après ça, ça va être le poste d'écoute. Donc, une dernière partie de l'émission. Et après ça, on s'en va. Après ça, sac notre camp, laisse la place aux autres. Qui est là le mercredi, les filles de connaître ensemble à 10h. Mais avant ça, voici Ariel, deuxième extrait de leur album Fauve. C'est ma haine. Ça, c'est fou. Enfin. Sans peur, sans gêne, ma haine. Ma haine. Un masque d'ange qui me démange à l'arrière-scène, ma haine. Ma haine! C'était tellement bon, une pièce de Ariel sur le palmarès francophone. Maintenant, Assemblage Requis, on aime Ma haine, c'est bien bon, là. C'est bien beau, Ma haine. Mais il y a aussi Len, qui est. Len, dans les... c'est la partie du corps. Voici Kinky Sexy Time. Quand ça mérite pas de réaction du tout, non? Bruit de criquet. Insérez bruit de criquet ici. Au montage. Donc, c'est Kiki Sexytime, la chronique osée, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Justine est avec nous, Justine Renaud, pour participer aussi. Oui, voir... ça va être encore plus important que vous soyez averti. Je vous avertis, là, j'ai une langue sale. Évidemment, c'est un fait, c'est des faits selon Internet. Donc, vous allez. Des fesses selon Internet. Des fesses. Vous allez m'aider à déterminer si tout est vrai là-dedans. Ah, je vais vous confirmer une coupe d'affaires. Parfait. Ou vous infirmer. Vous injuriez, vous. Donc, le pegging, est-ce que tu... Non, ça, c'est pas vrai, par exemple. Vous connaissez pas le pegging? Non, je sais pas. C'est vite, ça gâche. Ça aurait pu t'offusquer, en effet. Dès le début, ça aurait pu t'offusquer. Ouais, c'est quoi? Pegging, est-ce que Justine sait c'est quoi le pegging? OK, finalement, non. Non, bon. Je pense que je suis... Non. Ça va m'aider pas mal. Non, pegging, en fait, c'est une pratique sexuelle où une femme va pénétrer un homme par la porte du garage, donc d'en arrière, avec un strap-on. Ah, OK, non. C'est ça, le pegging. Le pegging, c'est ça. ici, on va arrêter là. Le pourcentage de femmes, selon vous, qui disent qu'elles ne sortiraient pas avec un homme qui n'a pas d'emploi. Le pourcentage qui ne sortirait pas avec des hommes sans emploi. De femmes, donc. 70. 70, Justine? Oh, j'aurais dit 80. C'est 75, exactement, les deux! Voilà, bravo! Bravo, les filles. Le pourcentage d'hommes, maintenant, et le pourcentage de femmes, OK, c'est séparément, qui ont des fantasmes sexuels. Les hommes, 100%. OK. Quoi, dis-donc ça? Les hommes et les femmes, séparément, mettons, les hommes, ils ont un pourcentage, les femmes, un pourcentage, qui ont des fantasmes sexuels dans la vie. Ben, les femmes, Non, les femmes vont beaucoup plus fantasmer, se faire des histoires. Les gars, c'est juste... Et belle, flac. Ben, moi, je dirais que les femmes, c'est plus élevé, mais je pourrais pas dire le pourcentage. Non, mais je veux dire, les femmes sont aussi plus menteuses à ceci. Oh, ben donc, non, réponse finale, on barre. Ta réponse, Justine? Oh mon Dieu. Les femmes, c'est des menteuses, puis les hommes, c'est tous des pervers. Fait que j'aurais pas de pourcentage. 96% des hommes et 90% des femmes, selon moi, le sondage. Moi, je m'en allais dire 90% des femmes, parce que l'autre 10% a menti. C'est ça. Ouais, ouais, c'est bon. C'est vraiment, je suis bien d'accord. Ça. Un autre pourcentage à trouver maintenant. Hétérosexuellement parlant, OK? Les femmes qui disent avoir eu une expérience anale. Le pourcentage de femmes hétérosexuelles qui ont eu, qui disent avoir eu des relations. Anna. Qui le disent et qui l'ont fait, c'est pas pareil. 30-35? Moi, 35-40. Autour de ça, je pense. 43. Ah, 43? Ah, 43. Hey, quand même. Qu'est-ce que la téléophilie? Et là, téléo, je vous l'appelle T-E-L-E-I-O-philie. T-E-L-E-I-O, téléio. Téléophile. Téléio. Ben là, c'est genre le des amateurs de ceux qui, tu sais, qui mettent comme un vibrateur à distance à l'autre. Puis qui active la manette dans la pièce d'un côté pendant un party avec les beaux-parents. Ah, je suis sûr, c'est ça. Wow! Ça ou avoir des relations dans le véhicule de Pimp My Ride, donc c'est de la téléio. Parce que c'est avec des rappers. Donc, téléophilie, c'est un terme qu'on utilise pour faire référence à l'intérêt que tu as sexuellement envers des adultes. Juste tout à fait normal envers des adultes. C'est de la téléophilie. Ouais. Comparé à de la pédophilie. Ah, c'est le contraire de pédophilie. C'est juste apprécier les adultes sexuellement. Oh non. C'est quelque chose. Mais j'imagine que donc un enfant plus jeune pourrait avoir de la téléophilie parce qu'il veut le faire avec des adultes qui ont plus. Qui sont plus mûrs qu'eux. Ensuite, connaissez-vous le dogging? D-O-G-G-I-N-G. Beaucoup de définitions. Douching. C'est très bon. Non, dogging, quelqu'un veut essayer? Ça doit être la levrette. La levrette. Ah, doggy style. Mm. Ça aurait eu bien le sens. Mais non, en fait, c'est du slang britannique. C'est une orgie dans un endroit semi-public, donc une voiture stationnée ou dans un parc. Donc, c'est du dogging. C'est britannique. Dogging. Dogging. Wow. Non, c'est vrai que les chiens font ça pas en privé, en public. Habituellement, c'est ça. Ah, on va se prendre une chambre. Rough. Douche. Le Center for Disease Control and Prevention, donc aux États-Unis, estime qu'il y a combien de maladies transmissibles sexuellement chez les hommes et les femmes aux États-Unis. Donc, le nombre de STI, des ITS. Le nombre de personnes atteintes? C'est exact. OK. Parce que je sais pas combien que. En fait, c'est le nombre de maladies. Donc, non, c'est ça. C'est le nombre de maladies en tant que telles. Donc, il pourrait y en avoir plus qu'une par personne ici. On cherche dans les... Mais là, tu dans les 1 million de distance à gauche et à droite. Oh, j'en ai aucune idée. C'est 110 millions BTS chez les hommes et les femmes seulement aux États-Unis. Fait qu'il y en a 110 là, qui se promènent de même puis qui... Ouais. Ouais. Qui touchent des poteaux de métro. Pouf! Ensuite, vous connaissez peut-être le terme BDSM, mais vous savez peut-être pas ce que ça veut dire. Vous voyez ça dans les pornos, quelque chose comme ça. Donc, le BDSM, ça veut dire Bondage, Discipline, Dominance and Submission. Donc, soumission, dominance, discipline, bondage, tu traduirais ça comment, toi? Bondage. C'est quand tu fais des relations avec une jeune fille d'un film de James Bond, parce qu'il y en a eu 1000. Non, mais c'est bondage. C'est ça en français? C'est bondage? Je pense que c'est une blague, je sais pas. Non. Et si on explique plusieurs détails, non? C'est avec du creep et des affaires de même. Exactement. Ben, bondage, c'est le fait d'attacher. Ah, d'accord. Ouais, tu t'attaches, là. Mais souvent, les gens sont habillés en queue et qui ont une pomme dans la bouche. Ça peut être du latex aussi. Oui, ça peut être du latex. Ouais. Mais s'ils sont allergiques au latex. Si mini cuirette, si t'as pas une scène, puis ouais. Tu viens d'éventrer ton divan pour te faire un saut. Avec le petit plastique des chaises de patio, puis tout ça, ça. Voilà. Ben, tellement sexuel. Donc, bondage, discipline, dominance, submission et sadomasochisme, évidemment. Pour BDSM. Ensuite, le sadisme dont on vient juste de parler. Vas-y. Non, vas-y, continue. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. OK. Moi. Et tu vas me dire aussi si c'est vrai ou... Donc, le sadisme, ça vient du marquis de Sade. Oui! Ben, c'est ça, je l'ai dit. Ouais. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Justine Colline. Justine Colline? Justine. C'est donc bien québécois. Ça s'appelle Justine. Le titre de son livre, c'est Justine, puis c'est une histoire au sujet de... Ben, quand ma mère me dit ça, oui. Justine Colline. Napoléon a emprisonné Marquis de Sade pendant 13 ans parce qu'il avait écrit un roman sur une nymphomane. C'est bien ça? Ben voilà, Justine. Voilà. C'est toi, ça, la nymphomane? Wow. Au moins, deux couples ont été mariés et un couple a été fiancé après s'être rencontré dans le jeu sur téléphone intelligent et autres, Words with Friends. Un petit jeu où tu matches des mots. Là. Ils se sont rencontrés. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Random Opponent. Donc, chercher un partenaire ou un opposant au hasard. Ils se sont rencontrés comme ça. Deux couples, au moins, se sont mariés. Et un couple s'est fiancé à cause de ça. Intéressant. Chaque année, tu vas serrer la main environ à 6 personnes qui se sont récemment touchées, mais qui ne se sont pas nettoyées. Ah! Par année. Nous autres même, ça compte-tu? Oh, ben là, je ne vais pas te juger. Là. Tu le rends direct. Toi-même la main. C'est juste une question. On appelle ça comment, cette filie-là, de vouloir se serrer la main après t'être touché? Faire augmenter cette statistique. Inconsciemment, les femmes peuvent ressentir si un homme a des pensées sexuelles, apparemment par sa transpiration, nous dit une étude. Quelle étude? Ouais, c'est ça, une étude, ça veut absolument rien dire. C'est de la grosse cochonnerie d'Internet comme fait, mais quand même, c'est intéressant qu'inconsciemment, ils pourraient apparemment sentir ça par la transpiration. Les coûts médicaux directs associés à une ITS, une maladie ou une infection transmissible sexuellement aux États-Unis, est estimé à 13 milliards de dollars par année. C'est beaucoup, hein? C'est 13 milliards, c'est énorme. Moins de la moitié des adultes entre 18 et 44 ans ont été testés pour une ITS autre que le VIH et le SIDA. Donc, moins de la moitié. Un adolescent sur quatre va contracter ou va ramasser une ITS à chaque année. Un adolescent sur quatre, c'est 25 %. Ah, c'est 25 beaucoup, ça. À chaque année, vont la renouveler. Là. C'est une prescription d'ITS. Je comprends pas. Non, on va ramasser. S'il y a des jeunes qui écoutent en ce moment, s'il vous plaît, protégez-vous. Faites quelque chose. En tout cas, c'est pas vraiment. Utilisez pas votre vraiment. Tête, quelque chose. Oui, exactement. Ouais, ça, c'est pas transmissible dans la face. Ah, c'est bon. Vise. Ah. Le 6 sur 10. OK. 6 adolescents, donc d'école secondaire, sexuellement actifs, 6 sur 10 de ces gens-là disent avoir utilisé un condom pendant la plupart de leurs relations. Ouais, la plupart. La plupart, 6 sur 10, pas beaucoup. C'est juste 6 sur 10, ça veut dire que déjà t'en as 4 qui l'ont pas utilisé. Et t'as une sur 4 qui a une ITS par année. Donc peut-être que mathématiquement, ça peut avoir une certaine corrélation. Les membres de Motley Crue, groupe de musique, Motley Crue. Eux autres, ils ont des trémas. Ils ont des trémas, exactement. Pour des raisons qui, je pense, ça rapporte une marque de bière. Non, c'est ça. Tréma, oui, c'est ça. C'est les deux petits points, hein, pour ceux qui cherchent. Là. Puis circonflexe, c'est un petit chapeau. Hein. Les membres de Motley Crue frottaient des burritos aux œufs sur leur engin masculin pour cacher l'odeur après avoir eu des relations avec leur groupie. Ah, c'est dégueulasse! Quoi? Un burrito aux œufs. Ouais. C'est ce qu'ils trouvaient. Toi, sandwich aux œufs. Ah, sandwich aux œufs. Ah, c'est ça. Hein. Je viens de comprendre ton anecdote il y a 10 ans. C'est sexuel. Hey! Ça me chauffe aux yeux, ça m'allume. Wow! Ouais, c'est quoi, c'était pour pas que leurs blondes s'en aperçoivent? Y avait-tu des blondes? Bah, non, sûrement, probablement, en fait. Fait que c'est pour ça qu'ils voulaient cacher l'odeur de la... Mais c'était peut-être pour la prochaine groupie qui allait passer. Moi, je mettrais mon argent là-dessus. Hey, mais pourquoi aux œufs? C'était caché des fois. Mais les œufs, ça a une odeur particulière. Hein? Peut-être que le pète, ça sent le pète. Peut-être que ça annule l'autre. Ouais, mais ça sent le pète. Je sais pas. On va demander à Motley Crue avec les deux petites boules de Noël dessus. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça, par exemple. Je dis, Pique les trois. Ben, il était combien dans le band? 3, 4? Là? Je sais pas. Il y a tout dit ça. Là. Est-ce que vous prenez la même sandwich? C'était plus économique. Est-ce que c'est leur groupie qui leur faisait des burritos? Hey, je te prendrai un burrito aux œufs ce matin, s'il te plaît. Flac, flac, flac, flac. Là, ils mangeaient. Puis ta mère se rendait compte qu'il y avait plus de plaisir avec le burrito. Que la groupie. Le pourcentage d'étudiants au secondaire américains, okay, qui ont eu des relations sexuelles jusqu'à maintenant, donc des étudiants au secondaire, pourcentage. Un pourcentage, genre 80. Ouais, où 80. Ça? 80. Aux États-Unis. 80. Aux écoles secondaires. États-Unis. 80. 80, oui! Ah, je descendrai un peu. Moi, ouais, 65. Descends pas mal encore. Moins 65? 46. Ah, 46. 46%. Aux États-Unis, c'est eux qui ont le plus haut taux d'infection transmises sexuellement dans le monde industrialisé. Donc, on vient encore sur ce fait-là. Qu'est-ce que la nasophilie, quand selon tu tripes vous? Ses nez. Quand tu tripes sur les nez. Ouais, okay. Les nez, ça t'excite. C'est un bon début. Quand tu sniffes partout, puis tu respires, tu sniffes. Tu respires. Non. Non. Pas vraiment. J'irais plus dans le sens de Stéphanie. En fait, la nasophilie, c'est un fétiche, évidemment, où on veut que le nez soit une cible sexuelle. C'est tout ce que ça dit dans la définition. Une zone érogène. Une zone érogène. Ou une cible dans le sens de. Floc, floc, floc, floc. Vise-là. C'est ça, exactement. Une cible dans un jeu de dards. Oui. Je sais pas. Oui. Le pourcentage de femmes. Merci, Justin. Le pourcentage de femmes qui. Non, ça, j'ai déjà fait. Le pourcentage, oui, tiens, celui-là. De gens, pas de femmes, de gens. En dessous de 35 ans. Qui vont sur Facebook ou Twitter directement après avoir eu des relations. Ouais. Pourcentage? Ah, 80. Justine? Je sais pas. Je sais pas, puis je savais pas si ça se faisait. Comme moi, je m'endors. Une cible au dard. J'ai pas le temps, je m'endors. C'est, oh, c'est bon, je m'endors. 36% en fait des gens en dessous de 35 juste ans. Juste ça? OK, ouais, si vous faites ça à la maison, là, j'adore ça de dire à la maison, vous êtes peut-être dans votre voiture. Si votre voiture est votre maison, puis que vous venez de t'sais, vous divorcer de votre femme ou votre... Monsieur, ne faites pas ça. Donc, allez sur Serge. Facebook après. On va t'appeler Serge. Serge, fais pas ça. De un, c'est pas poli. De deux, t'es vraiment accro à Facebook. Si après avoir une shoot d'endorphine comme ça, il faut quand même t'en aller chercher une plus grande sur Facebook. C'est que t'es malade. Endors-toi, puis... Exactement. On recommence, au pire, fais quelque chose. T'as bien raison. Et c'est toi, c'est ça. Il y en a qui sont capables d'y aller directement après. Pas besoin d'attendre. Mmh. Ouais, mais peut-être que les deux, ils vont ensemble sur leur iPad dans la chambre à coucher. Ah, ouais. Ça les turn on de regarder les photos de leurs ex, je sais pas. Allons-y avec tiens, un petit bloc thématique ici. C'est un bloc thématique sur la pornographie, les amis. Yay! Et plus en détail un petit peu. On commence en 2012 où une compagnie en fait de films pour adultes japonaise, Paradise TV, a fait un événement. Stéphanie Paradis TV. Ah, j'avoue. C'est comme la chaîne Vanessa. Paradise TV. Donc, il fait un stream 24 heures, un événement à Tokyo. Donc, c'est un événement pour ramasser de l'argent, une œuvre de bienfaisance, pour ramasser de l'argent pour une organisation contre le sida qui s'appelle Stop AIDS. Ah. La compagnie a quand même ramassé de l'argent d'une drôle de façon. C'est que tout le monde qui avait plus de 18 ans avait le droit de squeezer, tâter la poitrine ou un sein, en fait, d'une de 10 actrices de porno japonaises célèbres. Donc, il devait faire un don. Il devait se laver les mains, les compliqué comme méthode de lavage de mains. Et le montant d'argent que la compagnie a ramassé n'est pas disponible, on ne sait pas. Mais l'événement a quand même été un gros succès. Donc, tu donnais de l'argent et tu avais le droit de faire squeak, squeak au sein. Ben, c'est cool. Est-ce qu'il faut que tu prennes le sac qui a un petit peu de jus dedans, comme le fromage, quand tu squeezes des seins? Quoi? Je sais pas. J'ai là qu'une analogie de fromage. Là, c'était pas agréable. Pas très approprié. Disney qui est propriétaire en partie d'un service de pornographie canadien. Et c'est vraiment bizarre. Mais en fait, vous le connaissez peut-être, c'est Viewer's Choice. C'est l'équivalent en anglais de Indigo. Donc, Viewer's Choice, qui est un service de télé payante canadien, l'équivalent aussi de super écran dans certains sens. Donc, cette chaîne-là diffuse pas mal de contenu, des concerts en direct, des événements de sport, là, pareil comme Indigo, là, de la lutte UFC, etc. Mais la station passe aussi du matériel pornographique. Et la station est divisée en deux sections. Tu as la section Adam, du contenu qui vise les hommes gays. Et tu as du contenu qui s'appelle Eve, qui va plus aux hommes hétéros. La compagnie est la propriété d'une autre compagnie qui est basée à Toronto, c'est Bell Media. On connaît tous Bell Media. Par contre, ESPN a 5%, 4,99%. Donc, c'est sa part de cette compagnie-là. Et ESPN est sous Walt Disney Corporation, ce qui explique donc la relation entre Disney et la pornographie par association. La compagnie canadienne Rogers Media a aussi une part dans Viewer's Choice, donc en partie, en bas de 5%. C'est étrange. Via ESPN, ouais. Les liens qu'on fait sont assez étranges. On les voit pas, mais ils sont là. Il y a un bar à New York où il y a un petit trou caché, OK, qui vous permet de regarder de la pornographie vintage. C'est vraiment très, très cool, vous allez voir. Donc, c'est le Smith, un restaurant américain, un bar et restaurant, donc avec trois succursales à New York City. L'endroit d'origine est ouvert depuis 2007 dans le East Village et ça a amené à la création ensuite de deux autres restaurants. Il y a dans au moins un de ces restaurants-là un petit peephole, un peu comme un trou dans une porte, là, tu sais, il y a un nom pour ça, un chat de chat, en tout cas, bref. Donc, là-dedans, de l'autre côté du mur, on diffuse de la pornographie vintage, genre super rétro. Et c'est accessible à deux endroits, soit dans la salle de bain des hommes ou dans la machine à photos qui est située juste à côté. Donc, il y a un trou dans ces endroits-là, on peut regarder la même porno. C'est dans le mur entre le photobooth et la salle de bain des hommes. Donc, les gars et les filles peuvent regarder à travers ces trous-là dans le restaurant. Mais c'est le fun. Ouais, je trouve ça une bonne idée. Un petit quelque chose, c'est un restaurant bien normal, pas un restaurant à thématique. Est-ce que tu voulais dire un Judas, Mathieu? Un Judas, ça se peut? Ouais, il y a un nom. Hein. Il me semble qu'il y a un nom avec un chat, quelque chose là-dedans. J'avais pas entendu ça. En tout cas, mais bon, avec un Judas. Avec un chat? Moi, je suis pas sûr. Mais toi, tu parles, tu veux regarder qui cogne à ta porte d'appartement. C'est un Judas. Un Judas? Trompe-toi pas avec l'œil de bœuf, qui est la grosse fenêtre ronde. Je pense que c'est ça. Œil de bœuf. Mais c'est pas, non, pas ça. Non, c'est pas ça. Chat, bœuf, tu sais. Non. Pareil, hein? Qui vole un bœuf, vole un chat. C'est ça. Faut pas mettre le chat avant le bœuf qui... ensuite, saviez-vous que votre furteur Internet a un mode porno? Probablement, la plupart des gens savent ça. Un mode porno, le mode c'est Ctrl-Shift-New. C'est ça, et ça ouvre une nouvelle page secrète. Avec un petit genre de détective dans le coin avec une loupe, là, c'est super cute dans Chrome. Ça, c'est fait pour aller acheter, mettons, un cadeau pour ta copine. Tu veux pas que ta copine aille dans ton historique pour voir ce que t'as acheté, mais tu peux aussi faire... Aller supprimer dans l'historique, sauf que là, en ouvrant la fenêtre, c'est que t'as pas besoin de te rappeler à la fin d'aller effacer tes traces. Tu comprends ça? Ouais. Ça laisse pas de traces. Aucune trace. Ben, ça laisse des traces. Mais c'est super vraiment pour les cadeaux. Si tu le laisses, c'est comme ça, je le sais. T'sais. Ouais. Pour les cadeaux. Juste pour les cadeaux. Ouais. Donc, le nom technique, c'est Privacy Mode et ça vous permet de faire n'importe quoi sur Internet sans avoir de traces derrière, sans cookies, sans mot de passe sauvegardé, absolument rien. Typiquement, on utilise ça pour, dans le fond, pour acheter des cadeaux, comme on l'a dit, pour peut-être tester des sites web, s'inscrire à plusieurs comptes en même temps sur une variété de sites web. La Fondation Mozilla a fait une étude sur le comportement des gens quand ils entraient dans le Private Browsing Mode. Les résultats de l'étude révèlent que la plupart des sessions pornographiques en utilisant le mode Private Browsing durent environ combien de temps, selon vous, la durée d'une session de pornographie en mode Safe Browsing, Private Browsing? 10 minutes. C'est ça que j'allais dire. Exactement 10 minutes. Exactement ça. Bravo. Et le visionnement de pornographie augmente entre quelle heure et quelle heure, selon vous? 22h et 23h. Ça serait pas pire. En fait, ça dit entre 11h et 14h. Ça, c'est le public des sans-emploi, j'imagine. Okay. Ensuite, quand même, à 17h, ça, c'est je reviens de la job célibataire, d'après moi. Ça, c'est juste mon analyse personnelle. Et un petit sommet, un petit pic vers les minuit. Ma blonde vient de se coucher. Ma blonde vient de se coucher. Elle ronfle. Je sais qu'elle se réveillera pas parce qu'elle est en sommeil profond. Mais c'est encore une fois juste des... Et ta REM, là, ses yeux, il faut... C'est en sommeil profond total. C'est pas le moment. Là. Merci Mozilla. Tu vois, Firefox qui emmagasine ces données-là, même si on est en mode private browsing, donc le mode qui se dit genre super sécuritaire et personne va savoir rien, et ils ont quand même les chiffres. Mais bon, c'est eux qui fabriquent le furteur, c'est normal. Ensuite, on va aller dans quelque chose d'aussi bizarre qu'on ne s'attendrait pas à voir ça. C'est Geek Squad. Vous connaissez Geek Squad? C'est le système de réparation d'ordinateurs dans les magasins d'ordinateurs. Mettons Best Buy et autres. Donc, c'est ça. Il y a quelques nerds, mettons, qui travaillent sur votre ordinateur. On pourrait penser qu'ils vont juste faire leur travail puis retourner chez eux, puis pas de problème. Mais le site web Consumerist avait entendu parler que peut-être que les employés de Geek Squad volaient les données et les images de pornographie sur les ordinateurs des gens quand on les amenait pour faire réparer. Bon, c'était juste une théorie, un gros complot, on savait pas si c'était vrai. Donc, Consumerist a lancé une étude. Ils ont vraiment fait une enquête pour voir si c'était vrai. Dans la plupart des cas, ben, dans le fond, c'est ça, ils ont amené des ordinateurs là-bas. Dans la plupart des cas, les geeks de Best Buy ont complètement ignoré les données personnelles sur leur ordinateur. Ils performaient des tâches très simples comme installer iTunes. Par contre, il y a un cas où un employé de Geek Squad a pris les données sur le laptop qui ne fonctionnait plus, entre guillemets, les a mis par mesure de précaution sur un autre ordinateur. Et on dit même que certains magasins de Geek Squad ont un ordinateur spécifique prévu à cet effet-là où tous les employés dompent la porn sur cet ordinateur-là, selon l'étude. C'est le fun, hein? C'est, ça donne vraiment envie de faire ses backups et juste enlever les données avant d'y aller, puis tu les remettras après, tu sais. Puis là, je m'excuse si tu es obligé d'aller là-bas pour faire installer iTunes, tu n'es pas capable d'enlever tes données de ton ordinateur. C'est exact. Bon, c'est exactement. Là, ce que j'allais dire avant de chialer contre toi, c'est cet ordinateur-là, est-ce que c'est comme une garde partagée? À chaque soir, il y a un des gars de la Geek Squad qui part avec chez eux. Certainement plus simple si t'as juste un iPad ou quelque chose de vraiment facile à transporter. Tu peux juste mettre ça dans ton sac, tu pars mais avec. Faut que tu le désinfectes avant et après. C'est ça, t'as un système de location après, et des petites cartes. Après, compte pas. Après, comment? Compte pas là-dessus. Compte pas là-dessus. Faut le tremper dans de un liquide. Pourquoi le avant? Ouais. Ensuite, on a déjà parlé un petit peu de pornographie en livre audio ici dans King Sexy Time. J'ai trouvé un article qui parle de pornographie braille. Et c'est exactement ce qu'on pense, en fait. On peut acheter ça. C'est un livre qui s'appelle Tactile Mind. C'est évidemment pour les personnes qui ont des problèmes de vision, les aveugles, entre autres. Donc, le livre est fait à la main. C'est un livre qu'on appelle Thermoforme. C'est 17 photographies 3D. Et la version complète du livre coûte quand même 225$ parce que c'est fait à la main. Les pages individuelles sont aussi disponibles en vente. Évidemment, comment l'acheter sans y avoir touché, ça, je ne sais pas trop. J'imagine que tu prends ton chiffre préféré, comme tu achèterais une case dans un concours. Donc, l'artiste du livre, Lisa J. Murphy, est photographe avec un certificat en graphique tactile. Elle a sculpté, thermoformé et publié ses livres à la main, donc fait à partir de photographies nues. Certaines images, entre autres, un gros orifice féminin sur la première page. C'est vraiment directement ça qui ouvre le livre. Une femme nue dans une pose disco, une femme en train d'accoucher et une femme déguisée en éléphant rose. Beaucoup de... pour tous les fantasmes. Mais voyons, hein? Tous les fantasmes. Une femme qui accouche... Ouais. C'est un fantasme comme un autre. Une femme enceinte, peut-être une femme qui accouche, on dirait que c'est comme moins séduisant, mais bon. Donc, les images sont sur la source assemblagerequis.com. Pas que c'est pas sexy, je suis pas un fantasme. Non, c'est beau une femme enceinte, c'est juste que... c'est pas, d'habitude, c'est pas une beauté que tu trouves sexuelle. Non? C'est ça. Ouais, c'est ça. J'te... Parce que si tu trouves ça sexuel, peut-être qu'il y a d'autres affaires que tu trouves sexuelles qui devraient pas l'être, puis peut-être que ta vie est un petit peu fuckée. Ça serait censé être attendrissant, puis genre... À moins que ce soit ta blonde, ça peut être... Ben oui. Tu sais, c'est pas pareil, là. Qu'à la couche. Les gars, pas quand elle accouche. Ah oui, les gars, voyons donc. Voyons donc. Ensuite, tu as le droit de regarder de la pornographie dans les bibliothèques de la ville de New York. Devinez pourquoi, voir. Aux États-Unis. Pourquoi? Les amendements. Liberté d'expression. Ah, tu me niaises. Liberté d'expression. Si tu vas à New York, les utilisateurs de pornographie sont plus que bienvenus. En fait, selon la Brooklyn Public Library, les clients peuvent regarder ce qu'ils veulent sur l'ordinateur. Ça inclut la pornographie sur Internet. Le raisonnement derrière ça, c'est évidemment le premier amendement qui permet la liberté d'expression. Bien sûr, le public n'aime pas ça. Il y a tout plein de controverses là-dessus, mais quand même, on a le droit. Il y a une compagnie de pornographie dont on peut trouver... En fait, une majorité du contenu pornographique qu'on peut trouver sur Internet est sous la même compagnie. Le studio de pornographie Brazzers, il y a aussi Digital Playground et Reality Kings. Donc, ce sont trois dans les plus grands sites de pornographie payante sur Internet. Ils sont tous sous la compagnie MindGeek. Une compagnie privée dont le quartier général se situe à Luxembourg City, au Luxembourg. La compagnie est aussi propriétaire de plusieurs sites web qui offrent du streaming de porno gratuit. Donc, quand vous dites « Ah, pourquoi je paierais pour de la porno, il y en a de la gratuite », ben, YouPorn, Pornhub, TubeAid, prenez des notes, là. XTube, ExtremeTube, Juicy Boys, Webcams, Keys Movies, Tranny Surprise et Spankwire sont tous sous MindGeek. Tranny Surprise. Il y a des noms louches et douteux là-dedans. Juicy Boys. Ouais, mais c'est pour pas que tu te trompes. Tu le sais, le Juicy Boys, tu sais que non, tu non, t'en vas c'est pas. Ça, tu peux pas arriver là par inadvertance. C'est pas l'infopub de la machine à jus de Ron Popeil. C'est pas ça, Juicy Boys. Là, vraiment pas. Donc, la compagnie dit être dans le top 5 des compagnies qui prennent le plus de bandes passantes dans le monde. Ils emploient plus de 1000 personnes sur la planète au complet. MindGeek est né sous le nom de Manwin. Ils avaient ce nom-là jusqu'en 2013. Après s'être fait acheter par l'équipe de gestion de la compagnie, ils ont racheté eux-mêmes leur compagnie pour créer MindGeek. Il y a plus de bandes passantes, il y a plus de bandées passantes. Oh! C'est sûr. Et finalement, alors ça, c'est bizarre quand même. Les gens qui s'inscrivent à de la pornographie avec un nom féminin se font comme flaguer, qu'on appelle en termes de d'Internet, si on veut. Ils se font mettre un petit drapeau, un petit signal. Ça lève le drapeau rouge, si on veut, par rapport aux fraudes de cartes de crédit. Je vous explique. En 2011, on nous dit que la majorité des gens qui regardent la pornographie en ligne étaient des hommes. L'étude nous dit que les femmes préfèrent les romans, tu sais, à l'eau de rose, la fiction érotique. Attends, c'est pas si rose, puis s'il n'y a pas tant d'eau que ça. C'est à l'eau de rose, je la vois. Donc, ça montre que les femmes préfèrent quelque chose qui est un petit peu plus basé sur le texte, les émotions, que les hommes qui aiment le sexe plus hardcore en majorité. En fait, les femmes sont responsables pour 9 achats sur 10 des romans à l'eau de rose, entre guillemets. De toutes les personnes qui paient pour des films pour adultes, seulement 2% étaient des femmes. Quand même, on dit qu'il y a plusieurs hommes qui sont pas tellement fiers de s'abonner et ils mettent la carte de crédit de leur copine. Et c'est pour ça, selon Wall Street Journal, que les gens qui s'inscrivent à un site de pornographie avec un nom féminin reçoivent un petit drapeau rouge parce que la plupart des charges sur la carte de crédit sont finalement plus tard disputées par la femme à qui appartient la carte de crédit. Et donc, la compagnie perd de l'argent. Fait que quand il y a un nom de femme, ils ont un drapeau pour dire, genre, ça se pourrait qu'il y ait un problème avec ça. Vérifie un peu ça. Ah oh ben, Colin. C'est quelque chose. La source est sur assemblagerequis.com pour ceux qui font pas toujours confiance à mes faits. Je vous comprends. Voilà pour Kinky Sexy Time, la chronique plus ou moins osée. Aujourd'hui, pas mal osée, hein? Je pense que. Ben là, t'as commencé assez hard avec la porte d'arrière. Vraiment? La porte de grange, la porte de garage. On fait Kinky Sexy Time habituellement les mardis, donc c'est une case spéciale aujourd'hui. On prend une petite pause au retour, c'est Sexy Place, ça devrait répondre là. Oui. Ah. Les gadgets, là, il y en a beaucoup en plus. Ah, oh, d'autres gadgets? Ah non. Ah non. Tu t'en vas, toi, hein, c'est ça? Non. Ok, parfait. Les gadgets inutiles au retour, assemblage requis récent. Tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour, c'est toujours Assemblage requis en ce mercredi 19 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On a toujours Justine Renaud avec nous aussi. Toujours. Tantôt, on a parlé, c'est King Sexy Time pendant genre super longtemps et on n'a pas mis de musique. Puis on va continuer à ne pas en mettre parce que sinon on va défoncer notre demi-heure. Aïe aïe. Donc, pas de musique dans cette émission-là. C'est trop pour moi, là. Moi, non. À la place, moi, je vais juste dépenser de l'argent. Voici si ça existe, mais ça ne devrait pas là. Paradis. C'est sexiste, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles qu'on se procure sur Internet via assemblagerequis.com. Yay! La carte de crédit est pré-chargée. Pré-pleine, j'espère, pour vous. Commençons avec un petit mot... J'allais dire mot croisé. Pourquoi? Un casse-tête avec votre propre ville dessus. C'est la compagnie Simply Personalized qui offre cette idée cadeau-là pour les amateurs de casse-tête. Puzzle de 400 morceaux, 18 par 12 pouces lorsque complété. Pour commander, tu entres ton adresse complète. Donc, le truc pour 40$, ça va être une map de ta ville avec 2,5 000 au nord et au sud et 3,5 à l'est et à l'ouest. Il y a une version Personalized Satellite Image Photo à 50$ qui, elle, fait 1 000 au nord et au sud et 1,5 000 à gauche et à droite. Donc, pour juste un petit peu moins cher, les deux sur le site de Simply Personalized. Ça, c'est comme ça qui entraîne les chauffeurs de taxi. Ah, bonne idée! C'est celle de New York, là, quand même. Ah, faut pas que tu sois obligé de monter ton casse-tête à chaque fois que tu veux te rendre à quelque part. C'est vraiment long. Déjà qu'une carte, c'est du rapier. Mais tu sais, je veux dire, t'apprends les rues en faisant le casse-tête. Ou bien, si jamais vous voulez avoir un enfant prodige, faites ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Ensuite, ça, c'est une moins bonne idée. C'est une lampe qui s'allume en la giflant parce que c'est une paire de fesses. C'est tombé de mauvais goût. C'est la lampe Slap It à 1200$ de l'article de l'artiste Joseph Bagley. Donc, on peut la pincer ou la gifler pour l'allumer et l'éteindre. Pif, paf, bif, baf, hangover. C'est parce que c'est laid, là. C'est un peu laid. Ouais, c'est vrai que c'est laid. Je sais même pas, ça ressemble même pas à une paire de fesses. On dirait que c'est juste un blob. Ça, là, c'est un cadeau de mariage. En petite blague de genre de party. De... Ouais, d'enterrement de vie de garçon. C'est exact. Un peu cher pour une blague. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on applaudit avec une main? Est-ce qu'on peut vraiment applaudir avec une main? Ben non. C'est encore plus difficile. Ça en est même, c'est un coup dans la face. Mais tu peux... Ou comme Julie Snyder, son avant-bras. Oui. comme Martin Deschamps, pas du tout. Oh! Donc, ce qu'on a ici, c'est le Patchy Patchy Clappy qui est prêt à vous faire applaudir avec une seule main parce que c'est un gadget avec une petite poignée. En fait, c'est un genre de personnage de dessin animé, si on veut, en plastique, avec une poignée sur son corps. Et il y a deux mains sur la tête en plastique. Et quand tu appuies sur la gâchette, ça fait clap, clap, clap, clap, clap. Et il y a une petite vidéo de démonstration. C'est un peu trop japonais. C'est extrêmement japonais. Et c'est super le fun. C'est Patchy Patchy Clappy. Qui est disponible chez Japan Trend Shop pour 27$ américains. Hey, y a-tu plein de couleurs? Oui! Ben là, c'est vraiment beau. Vert, noir, ça. Rouge, bleu, jaune. Et c'est que tu peux, mettons, t'es à un match de quelque chose, en train de boire une bière, ça. Tu pourrais applaudir avec ton Patchy Patchy Clappy dans l'autre main avec des Cheetos dans l'autre. Puis... sans mettre ta bière entre tes deux jambes, puis serrer les cuisses, puis t'en renverser partout parce que le couvercle sur le top, il y a. Ça va sauver des vies. Non, c'est ça. Ça va sauver des vies. Ensuite, les montres intelligentes sont très à la mode en ce moment, vous le savez, ça fait fureur, tout le monde annonce sa montre intelligente. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, elle, à part de donner des pilules puis de donner des odeurs à telle heure? Elle ne fait rien de tout ça, contrairement aux gadgets des semaines passées. C'est basé sur le modèle de PhoneBlock, dont on en a parlé il y a quelques semaines. C'était un téléphone intelligent, qu'on pouvait monter pièce par pièce. C'est la même chose, mais pour une montre. Donc, ça s'appelle Block. L'idée, c'est qu'on peut personnaliser sa montre comme on la veut, en attachant autant de composants qu'on veut. Tu as un accéléromètre, thermomètre, moniteur pour le cœur. Des sensors, pas d'affaires comme ça, et tu vas pouvoir choisir en plus la devanture de ta montre et la fonctionnalité, donc tout ça selon le prix que tu veux payer. Cool, hein? Blox qui va avoir un marché ouvert pour les développeurs, donc ça va amener à des innovations, plus de choix et de compétition pour le consommateur. On va voir ça probablement un jour en quelque part. L'équipe britannique derrière tout ça dit qu'ils travaillent sur un prototype, qu'ils espèrent ramasser de l'argent via soit Indiegogo ou Kickstarter d'ici la mi-2015. Et on peut s'inscrire sur leur site pour savoir quand ça va être disponible et quand on va pouvoir mettre de l'argent là-dessus. Mais l'idée est cool. C'est quand même beau. Oui. J'aime bien le look que ça donne. C'est un peu enfantin, on dirait, là, le système des blocs. Ça fait Lego un peu. Non, c'est beau, bon, c'est pas bébé. Ben, moi aussi, j'en veux une. J'ai du bébé dans le bon sens. Hein. Ensuite, ah tiens, quand on dit c'est en paix à la face quelque part, là, on dit ça, on dit pas vraiment ça. On dit ça à part je vais t'être en paix à la face. Genre, c'est ça. Je vais t'être en paix à la face sur mon... mon derrière? Un bumper en français, là. Bumper? Pare-choc, excusez-moi. Pare-choc à pare-choc, comme on dit? Oui. You know? Donc ici, non, c'est vraiment de s'étamper la face. Ça s'appelle Stamp Your Face. Donc cette entreprise-là offre quelque chose que personne d'autre a offert avant. C'est une étampe de caoutchouc avec ton image dessus. Donc tu peux l'utiliser pour signer des lettres, personnaliser du papier, décorer des étiquettes, etc. C'est vraiment le fun. Stamp Your Face va créer votre étampe avec votre face et vont vous envoyer aussi le dessin qui a été utilisé pour faire ça. Donc vous leur envoyez une photo, ils vous envoient l'étampe et le dessin qu'ils ont créé à partir de ça. C'est vraiment beau, hein? Et ça va aussi inclure un truc d'encre noire. Donc t'as vraiment tout ça pour 65$. Ben là, c'est cool! Il me semble que je mettrais ça partout, je mettrais ma face partout. Plug, c'est hyper dit. Plug, Justin Renaud. Sur une paire de fesses, après ça, tu vas pouvoir t'étamper ça sur la fesse puis te faire un tatou de la face. Ou de la fesse de ta face. Ou la fesse de ta fesse. Ben non, jamais. Jamais. Ensuite, ah tiens, pour les animaux de compagnie, vous savez, les animaux, en tout cas, moi, anecdote personnelle. Oh, il est vraiment beau, ce chien-là. Mais anecdote personnelle, le chien de ma belle-mère vient tout le temps, quand les deux viennent chez nous, chez ma copine et moi, ben le chien va tout le temps se lancer dans la nourriture du chat. Ben oui. C'est tout le temps ce qu'ils font, ces chiens-là. Donc, il vous faut le microchip Activated Pet Feeder. C'est un bol pour animaux de compagnie qui va automatiquement s'ouvrir quand la microchip, une micro-puce qui est insérée dans un truc sur le collier de votre animal de compagnie va s'approcher. Et tout ça via un signal infrarouge. Donc, quand l'animal approche à moins de 2 mètres du bol, le couvercle s'ouvre, on mange et donc on peut assigner plusieurs chips à un seul bol ou plusieurs bols à une seule. Tu peux faire l'inverse, tu peux avoir genre plusieurs chips qui ouvrent le même bol. Ou une chip qui a plusieurs bols, tu vois. Okay, moi, j'aime ça, des bols de chips. OK, ça veut dire qu'admettons que tu as deux chats à la maison puis qu'il y en a un qui est méga glouton et que l'autre ne mange presque pas. Ils pourraient avoir chacun leur bol avec leur chip puis pourraient aller manger seulement dans leur bol. Donc, une fois qu'ils ont fini, ils ne pourraient pas aller finir le bol de l'autre chat. You are correct, sir. Ben, sir? J'aime ça. C'est le fun comme idée. Oui, parce que moi, mon chat, tu sais, avec le chat de ma belle-sœur, il y avait beaucoup de difficultés, de conflits, de personnalités. Puis on était vraiment obligés de les faire manger séparément parce que le chat, ma belle-sœur, était en train de se laisser mourir de faim. Parce que lui, il avait tendance à manger un peu tout le temps dans la journée. Ouais. Puis mon chat a tout mangé dans une bouchée, y compris l'autre chat. Il a fallu de sortir de sa gueule parce qu'il a arrêté de manger l'autre chat. Sérieux? Non. Ben non. Donc, le microchip est à l'intérieur d'une petite, de petit truc de plastique résistant à l'eau. Donc, quand votre chat va boire et s'envoyer de l'eau partout parce qu'il ne sait pas boire, comme le mien, ben, ça ne va pas empêcher votre machine de fonctionner. Ça va au lave-vaisselle, 1,5 tasse de nourriture dans ce bol-là. Et les humains peuvent l'ouvrir avec un petit bouton donc, que les chats ne sont pas capables de pouvoir appuyer. Non, mon chat, il a un pouce opposable, fait qu'il devrait être capable. Ah, t'as un chat mutant? Oui. Teenage Mutant Ninja 4. Mais il y a 4 pouces. 4 pouces. Mais il fonctionne, ses pouces. Un pouce à chat, 4 cool. pouces. T'sais, il a l'air d'avoir des grosses mitaines. Hey, c'est dommage drôle. Oui. Je veux le voir. Tu l'as appelé mitaine? Ouais. Non, je l'ai appelé Limoilou. Ah, prends des photos. Limoilou. Prends des photos. Comme la ville. Ouais, comme le quartier de Québec, oui. Ok, cool. C'est beau. Cool. Ça se passe à Waterloo. Laisse faire. C'est un gros chat obèse avec 4 pouces, avec à peu près 3 pouces de poils partout sur le corps. Il s'appelle Limoilou. Suffit l'intimidation, hein, suffit. Ah. Je suis tannée de recevoir des appels de, des auditeurs qui me disent « Ton chat, il est là! » Hey, mon chat a juste un œil, fait que gars, je sais ce que c'est, je compatis là-dedans. Ouais, grosse. Bah, tu vois, chacun son handicap. Bon. Il paraît que je pense à faire des blagues de Limoilou Garou du campus. Donc, l'année passée, Lift Labs Design a révélé le Liftware Stabilizer. C'est une cuillère avec une poignée, OK, qui va tout le temps se stabiliser elle-même avec un genre de gyroscope à l'intérieur. Donc, c'est pour les gens qui souffrent de, tu sais, mettons, la maladie de Parkinson, quand tu shakes tout le temps, donc t'as de la misère à manger. Donc, pour manger seul, c'est vraiment difficile pour eux. Donc, ce mois-ci, Lift Labs est de retour sur Indiegogo. Et demande de l'argent pour fabriquer leurs produits. La poignée qui a un accéléromètre et ça détecte donc le mouvement et ça accentue le contraire du mouvement pour annuler le shake, le tremblement si on veut. Donc Liftware est seulement utilisé comme cuillère pour l'instant parce que l'électronique est dans la poignée qui doit être assez grosse quand même, on le voit sur les photos. Lift Labs va sortir d'autres attachements dans le futur, dont une fourchette et un porte-clés pour les Mais gens qui... c'est donc ben cool! C'est super le fun! Donc, on demande $300 américains sur Indiegogo pour avoir le Liftware comme récompense. Et pour chaque $295 qu'ils ramassent, la compagnie va donner 2 unités Liftware au International Essential Tremor Foundation. Donc, à chaque fois que tu en achètes une, ils en donnent 2 à cette fondation-là pour des gens qui en ont besoin. Wow. C'est vraiment cool, ça. Donc, allez-y. La plupart des horloges qu'on voit sur les murs, dans les maisons, les bureaux, fonctionnent avec batterie, avec pile. Nous, là, dans le studio, l'horloge prend une bonne dizaine de secondes de retard à chaque jour. On dirait dans la vie, ça arrête plus de pas être à l'heure, ces affaires-là, parce que ça fonctionne sur batterie, sur pile, et c'est pas fiable du tout. Une compagnie nommée Bedol a une lignée, une famille d'horloges qui fonctionne à l'eau. Donc, l'horloge est en forme de goutte d'eau et a un compartiment translucide à l'arrière. Donc, on met l'eau dans l'horloge, ça interagit avec des plaques de métal pour produire de l'électricité. Et une tank, si on veut, donc un remplissage d'eau, va faire fonctionner l'horloge pendant 6 mois, de 6 mois à 1 an selon le fabricant. Et l'horloge doit être remplie ensuite et là, ça va recommencer à dire l'heure instantanément. C'est cool, ça? C'est la Waterwall Clock, plusieurs couleurs pour $89 américains. Ça va commencer à être envoyé en avril. Puis elle est belle, elle est en forme de goutte d'eau. C'est ça qui est cool. C'est full concept. Ouais, full belle. Vraiment le fun. Ensuite, Mokoro Rolling Mop Ball. Vous connaissez les petits aspirateurs Roomba dont tout le monde parle, qui coûtent plusieurs centaines de dollars. Ben, un gadget japonais qui fait l'équivalent, ça vient directement du Japon. Donc, c'est à la place de passer l'aspirateur. C'est sûr que ça vient du Japon, il y a plein de couleurs, puis ça a des yeux, puis une bouche. Ben, ouais. Je pensais à dire, c'est sûr que ça vient du Japon, tu viens de dire que c'est japonais. En effet, je venais juste de dire que c'est japonais, puis j'ai dit après ça, ça venait du Japon. Donc, à la place de sortir l'aspirateur ou le Swiffer, ou peu importe, c'est la compagnie Mokoro qui a sorti cette boule-là, qui est optimisée, dans le fond, pour juste rendre ça amusant de faire le ménage. Donc, tu mets le Mokoro sur ton plancher, ta tuile, vinyle ou peu importe, et ça va rouler, vraiment, et ça va ramasser la poussière pendant 15 minutes. Et quand ça a terminé, vous l'entendrez dans la petite vidéo sur assemblagerequis.com, ça va chanter une petite chanson pour te dire que ça a terminé. Et là, tu le laves entre les deux. Faut que tu le laves. Fait que ça... Ouais, mais ça marche-tu? Ben, selon la vidéo, ça a l'air de fonctionner. Moi, je trouve juste que c'est déplacer un problème pour en créer un autre. Régler un problème pour en créer un autre. Donc, ça passe l'aspirateur, genre ça passe la mop tout seul. Après ça, faut que tu laves ta mop tant que t'aurais pu passer à juste laver ton plancher, tu sais. Ben non, je m'excuse, là, mais c'est beaucoup moins d'effort de sacrer ça dans la laveuse. T'es-tu drôle, toi? Je sais pas si tu peux. Ouais, sûrement que tu dois pouvoir la déshabiller et mettre juste ben le oui, dans la laveuse. Ben oui. C'est disponible au Japon d'habitude seulement pour $40 américains. Par contre, les gens chez White Rabbit Express sont capables de vous en importer une si vous la voulez vraiment. Donc, allez sur assemblagerequis.com. Mais non, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'on s'entend, oui, peut-être ça ramasse la poussière puis les cheveux, mais est-ce que ça ramasse les roches, les graines, les morceaux de popcorn puis la litière que le chat étend partout? Non! Comme il y en a un tas d'embêtes, des affaires par terre à ton chat. Ouais. Ah, c'est une grosse truie, là. Puis arrête de donner du popcorn à manger. Non, c'est ça. Non, c'était pas elle, le popcorn. Ensuite, entier, ça, c'est juste pour toi, Stéphanie. Pour l'alcool. Ben évidemment de l'alcool. Tu sais, le cliché à Assemblage Rocky, c'est l'alcool pour Steph et la bouffe pour JP, même si pourtant Steph aime autant la bouffe que JP. Oh mon Dieu! Donc c'est super simple, c'est un flash bracelet à 225$. C'est vraiment un bracelet qui est aussi une flasque à alcool. C'est par Cynthia Rowley. C'est 3 onces d'alcool qui rentrent là-dedans, environ 2 shooters. Ça doit être pesant. Dans ton bracelet, ouais, c'est ça. Ça fait un beau petit bruit, sûrement du floc à floc. C'est cool, hein? Il n'y a aucun détail de plus que c'est juste beau. Rien à dire. Ensuite, vous savez, depuis quelques années, quelques décennies, on essaie de cacher des haut-parleurs dans les murs. On essaie de cacher nos télés dans les murs aussi. T'as des télés dorénavant qu'on peut mettre une toile devant ou un cadre pour cacher la télé quand tu ne l'utilises pas. Mais les haut-parleurs, des fois, sont plus difficiles à cacher. Ici, c'est le Soundwall qui offre un haut-parleur qui est un chef-d'œuvre. Donc, le haut-parleur s'appelle Soundwall. Ça cache, donc, c'est une toile, OK, qui cache un haut-parleur à haute fidélité et un amplificateur en plein à la vue. Donc, il n'y a pas de haut-parleur derrière. C'est vraiment la surface elle-même qui est un haut-parleur. Chaque Soundwall a ce qu'on appelle un contrôleur Raspberry Pi. C'est un petit ordinateur vraiment de poche qui fonctionne via AirPlay et UPnP, donc les formats pour passer des émissions de télé sans fil pour pouvoir regarder des émissions de télé et de l'audio, donc. Les haut-parleurs Soundwall peuvent jouer des pistes individuelles. On peut installer des unités dans plusieurs endroits dans la maison. On peut tous leur dire de jouer chacun une chanson différente. Mettons, dans la chambre à coucher, tu pourrais jouer une chanson. Dans le salon, tu joues d'autres choses. Ou tu pourrais les faire se synchroniser pour qu'ils jouent la même chose dans toutes les pièces de la maison, si on veut. Évidemment, si on a énormément d'argent. On peut choisir une variété de grandeur. Il y a une galerie de peintures existantes. On peut aussi uploader, téléverser nos propres photos. Et on peut commander aussi une toile vide pour vraiment faire sa propre peinture dessus. Wow! Tout ça pour 950$ américains pour le plus petit et 2500$ pour le plus gros de 40 par 60. Presque rien. C'est presque rien pour les riches, évidemment. Mais imaginez d'avoir le même film qui continuerait dans chaque pièce, le son... C'est débile. Ce serait le fun. Ensuite... on parle tout le temps d'impression 3D depuis quelques années. Ben, la compagnie Recreus sort les Sneakerbot 2. Et contrairement aux souliers de LeBron James ou Kobe Bryant ou peu importe, Sneakerbot 2, dans le fond, ne seront pas endossés par des vedettes. Non, parce que c'est vous-même qui allez l'imprimer en 3D quand vous le voulez. Recreus qui a donc dévoilé Sneakerbot 2 pour faire la promotion de Filaflex, un filament pour imprimante 3D qui vous permet de créer des objets flexibles ou élastiques. Donc voilà pour ces souliers-là. On nous dit que tu pourras pas vraiment les porter comme ça parce qu'ils n'ont pas de semelles ou de support de soutien pour les chevilles, mais ça va bien. Puis qu'ils sont laids. Ils sont vraiment affreux. Ils sont dégueulasses. C'est vraiment pas très beau. Vous pouvez commander du Filaflex au magasin en ligne de Recreus pour faire imprimer avec votre imprimante 3D. Ouais. Ouais, c'est pas très beau. Ah, ça, c'est super rapide. C'est une sneakers d'une livre, ça existe. Sneakers d'une livre, ça nous dit slice and share, donc scier et partager, si vous voulez. Genre slice tranché, là, mais tu sais, on s'entend que c'est une livre, c'est quand même assez gros. C'est aussi, ça pourrait accompagner votre boîte de nerd gigantesque d'une livre et demie, qui contient 2720 calories de presque pur sucre. Sneakers d'une livre. On reste dans les bonbons, les friandises, des Reese's qui viennent directement de l'usine. Le Hershey's Store enlève l'intermédiaire, le middleman, comme on l'appelle, en vendant directement les Reese's Peanut Butter Cups de leur usine. Pour environ 30$, on peut avoir un pot de plastique rempli de 2 livres et demi de Peanut Butter Cups juste dans le pot, comme ça, directement de l'usine. Pas d'intermédiaire, pas de magasin, pas de vendeur, rien. Ah, wow! Ça vaut la peine. Hey, c'est beau en gros plan, je trouve. Oui, un Reese, hein? Oui. C'est vraiment... artistique. C'est l'un de mes préférés, facilement. Je mettrais des speakers là-dedans et j'en mettrais un peu partout dans ma maison. Sur chacun de mes murs. Ensuite, pour plier votre propre bureau, vous savez, c'est, on n'arrête pas de parler, encore une fois, là, je dis qu'on parle de plein de choses depuis des décennies. C'est vrai, c'est à la mode d'être debout et de travailler. C'est vraiment à la mode. Debout à l'ordinateur, c'est meilleur pour le dos qu'une chaise. Il y a plein d'avantages selon différents docteurs. Bref. Ouais, mais t'as mal des jambes à un moment donné? Oui. Comment, excuse? T'as mal des jambes à un moment donné? Des fois, tu vas avoir un banc, des trucs comme ça, ou juste quelque chose contre quoi te pencher, mais la majorité de la journée est passée debout avec un tapis spécial en dessous. Mais bref, bon, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Mais remplacer votre bureau avec ça, ça pourrait être très très cher. Donc, sur Kickstarter, le projet Cherigami Cardboard Standing Desk. C'est un bureau solide, nous dit-on, complètement recyclable pour 85$. Donc, Cherigami, qui présentement donc, fabrique des meubles en carton, fait à la main, évidemment, aussitôt qu'on les commande. Donc, c'est plus cher qu'un modèle qui serait produit plus tard après qu'ils aient ramassé leur argent. Ça va devenir un petit peu plus mainstream. Donc, le bureau est fabriqué de carton corrugated. Je connais pas trop ça en français. En tout cas, corrugated. Ça, Ouais, une sorte de carton solide comme par la poste. Là. Corrugated ouais. Avec des petits zigzags dedans. Ouais, c'est ça. Bon. Bref, ça, ça, c'est envoyé à plat. Ça s'assemble en quelques minutes. Ça pèse 15 livres. Ça peut se porter jusqu'à 300 livres. Et ça peut vous servir pendant 2 à 3 ans. C'est fait pour les gens entre 5 pieds 2 et 6 pieds 2. Et si tu décides donc que c'est pas pour toi, tu peux le recycler et faire donc d'autres choses avec. Je sais pas. Le mettre au recyclage finalement. Donc, le shipping, l'envoi est attendu pour le mois de juillet et d'août cette année. Si jamais ils ont, s'ils ramassent leur argent. Allons voir d'ailleurs sur Indiegogo.com, sur Kickstarter.com, pardon. Ils sont rendus à 30 000 sur 25 000, donc ils ont réussi. Bravo. Ouais. Mais, tiens, celui-là, tu vas l'aimer. Pour ceux qui aiment les M&M, si tu veux recevoir une récompense à chaque fois que tu lis un courriel. Tu sais, des fois, recevoir des courriels, oui. T'en reçois beaucoup. Donc, le Do It Yourself Edible Email Notifier. Chaque fois que tu reçois un courriel, on te donne un M&M. Hein? C'est créé par Catherine McElroy. Et ça a été fabriqué en utilisant un processeur Arduino, un moteur et bien sûr une bouteille de vin pour tenir les M&M. Donc l'Arduino fait passer un petit script qui vérifie le nombre de courriels que t'as qui sont pas lus sur ton ordinateur à chaque 20 secondes. Si le chiffre descend, ça veut dire que t'as lu un courriel et donc il va te récompenser avec un M&M. C'est hot, ça pourrait me donner du courage pour travailler. Oh non, j'en ai 25. Ah ben, ça veut dire 25 M&M. C'est tellement genre du conditionnement pavlovien. Là. Vraiment? C'est là? Le même affaire que genre, bon, il y a une cloche qui sonne, on va aller porter un steak au chien. Ça me dérange pas, chien. Moi. Je vais être conditionné comme ça au MM. La chienne de Pavlov. Et c'est qu'en plus, c'est que tu vas payer pour aller voir tes courriels parce que non seulement tu payes ton accès à Internet, mais tu vas payer les M&M qu'il faut que tu mettes dans la bouteille aussi. Mais bon, donc, avec le nombre de courriels que vous receviez, que vous recevrez, vous allez peut-être devoir payer cher, mais ça a été présenté au Maker Faire 2013. Ce n'est qu'une idée comme ça. On peut pas se procurer. Pour Madame la rectrice, puis lui a acheté déjà en partant à peu près 5 kilos de M&M. Bonne chance. Bonne chance, madame. Morella, qui est un truc pour tenir votre verre après votre parapluie. On va terminer très bientôt, je pense, peut-être avec celui-là. Mais c'est que le Morella, dans le fond, c'est que le liquide va rester tout le temps droit grâce à une peinture spéciale. Peu importe ce que tu fais avec ton parapluie. C'est que le café ou le verre va rester tout le temps droit. Donc, tu vas marcher normalement avec ton parapluie dans une main, tu sais. Puis l'autre main libre. C'est une peinture coulissante. La chose qui à swing. Peinture coulissante, voilà. Je sais pas comment le dire. 16$ via Kickstarter. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas, ouais. Un parapluie, c'est genre le truc dont je me sers le moins souvent dans la vie. J'avoue que ça fait des années que je me suis pas servi de parapluie. Voilà. Ouais. Ils sont rendus, ça dit tout, à 1704 livres sur 35 000 demandés. Il reste 23 jours, donc ça a pas l'air de lever tant que ça, cette affaire-là. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qu'il faut absolument que je fasse? Mettons, attention, absolument, mettons. Ah, tiens, au Japon, bien sûr, les Kit Kat qu'on passe au four. Donc, pourquoi juste manger une Kit Kat quand tu peux en avoir une qui est cuite au four? Oh, miam. C'est Japan's Kit Kat Chocolate Tree. On dit que c'est Delicious When Baked Pudding Flavored Kit Kat. Donc, des Kit Kat à saveur de pudding qui sont délicieuses lorsque cuites au four. Donc, c'est un genre de petit. C'est comme une barre Kit Kat, à savoir le pudding, qu'on est supposé mettre au four. Et quand tu le mets, mettons, dans le grille-pain ou dans le four grille-pain, le contenu de sucre dans le chocolat va durcir. Ça va devenir comme un bonbon. T'sais, vous savez ce que ça fait quand on fait cuire quelque chose comme du chocolat ou des. Ça devient comme pas caramélisé, mais c'est genre plus sucré encore. Et ça donne donc une combinaison de gaufrettes et de chocolat, avec une texture qui ressemble à un biscuit et à l'odeur de la caramélisation sucrée. Donc, c'est Kotaku qui vous montre comment faire ça. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Voilà. Ça, on s'en commande. Ouais, ça donne faim, là. Ça donne vraiment. Non, pas chouette. Il va falloir s'acheter un four aussi. Hey, on a-tu des affaires à acheter? Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, les liens sur assemblagerequis.com. Je l'ai dit assez souvent pour que vous le sachiez. On prend une pause au retour. C'est au tour de Stéphanie de parler. Ça va être le poste d'écoute. C'est moi. Dans quelques instants, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et dans cette demi-heure, on la consacre en fait au poste d'écoute de Stéphanie. Qui, chaque semaine, parcourt telle une aventurière, telle l'Indiana Jones. C'est comme Stéphanie Indiana Jones, si on veut. Hey, tu me fais penser, je me souviens plus trop c'était quel quiz j'écoutais hier, puis ils ont demandé, c'est quoi la capitale de l'Indiana? Ben, j'ai dit, ça doit être Jones. Et mon chum de me regarder avec un regard vide et de ne pas comprendre Indiana Jones. Que cette blague! Il pensait que c'était vrai, Jones dans l'Indiana. Moi, je me trouvais hot. Donc voici le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. Je pense que Justine a trouvé la réponse. Indianapolis. Indianapolis, oui! En Indiana. Oui. La capitale du Djibouti, c'est Djibouti. C'est Djibouti. Et l'hymne national, c'est Djibouti. Et le currency, l'argent, c'est le franc Djibouti. Ah, le Djiboutin. Le Djibouti. Donc, c'est le poste d'écoute. Stéphanie Paradis qui a découvert quelque, en fait, au moins une nouveauté dans la liste de la semaine. Ah, ben oui, j'ai exploré les nouveaux arrivages de CD assez fous. Et je vous ai déniché quelque chose, ben, quand même intéressant. C'est du groupe Unknown Color. Donc, c'est Barely See the Sun. Donc, Unknown Color est un groupe fondé en 2011 à Québec et est composé de Sébastien Baudouin à la basse, de Christian Dicker aux percussions et de Vincent Rioux à la voix et au clavier. J'ai Baudouin, t'as dit? Djibouti. Unknown Color nous propose des sons pop-rock électro, donc souvent influencés par la musique des années 80. Moi, je peux déjà dire que j'accroche tout particulièrement à l'aspect électro, mais j'aurais facilement coupé les paroles de moitié. Oh. Je suis pas nécessairement fan du chant, mais le son, j'aime beaucoup la couleur du son. Donc, je vous laisse en juger par vous-même. Dès maintenant, on s'en va entendre la première pièce que je vous propose. C'est « Do you see me? » « Do you see me, Djibouti? » »« Do you see me? » Ça, c'est trois notes. « Do you see me? » C'est quatre notes. Ah, oh, j'ai raté mon... « Do, le you, le si, le mi. »« Do you, Saint-Tropez, si. » C'est le poste d'écoute d'assemblage. Yelling some words with Let's make love again. Let's make love again. Let's make love again. Oh, oh. one thing I don't know. Like the road you have taken, which way should I go? Au poste d'écoute avec Stéphanie Paradis et quand même Mathieu Plante qui pèse sur les pitons. On vient tout juste d'entendre Me and I. Tout juste avant, c'était Give Me Your Friday et on a commencé le bloc avec Do You See Me et tout ça, c'était sur l'album de Barely See the Sun de Unknown Color. Moi, je préfère la dernière. Je sais pas si c'était voulu que tu mettes la meilleure en dernier. Oui, la dernière, c'était ma préférée. Très, très bon. Encore une fois, tu l'as dit tantôt, la voix fait un petit peu déjà entendue. Mais musicalement, c'est vraiment cool. Là. C'est génial. Si on pouvait sortir une technologie là, karaoké style pour enlever les paroles là-dessus, je sais que ça se fait. Là. C'est difficile, mais ça se fait. On pourrait faire ça. Mais ça, c'est pas mal, cette version instrumentale. Ouais, enlever un petit bout au moins. Un petit bout de paroles. Mais ce que j'ai aimé aussi, non seulement le nom Unknown Color est cool, mais sur la pochette, je sais pas si t'avais remarqué, c'est un symbole de prise USB. Ben oui, j'ai remarqué ça. Avec des racines. C'est cool. C'est très cool. Donc, Unknown Color, Barely See the Sun. On entend 3 pièces, puis merci Steph. Ouais, c'était pas pire. Ouais, on va peut-être suggérer ça pour un palmarès. Mm-hmm. On fait le poste d'écoute aux deux semaines, les mercredis, enfin l'émission Assemblage requis. Donc soyez-y, mercredi aux deux semaines, c'est noté. Le temps file, on a déjà presque terminé l'émission. Je pense qu'on devrait s'écouter une petite pièce francophone pour rester dans l'ambiance de la bonne musique. Pourquoi ne pas aller entendre le classique de Mange l'ours mange? Je pense que c'est notre pièce préférée du côté franco en ce moment, n'est-ce pas? Oui. Je vais pas te mettre des mots dans la bouche. Non, mais... non, c'est bon, c'est bon. C'est un petit Brody Days de Mange l'ours mange, puis après ça on va se dire au revoir. C'est cool, hein? T'as vu? Ben, de se dire au revoir, non. Moi, je resterai ici. Ben, il te reste demain, et demain, on va avoir une sacrée bonne émission. Mm-hmm. Non, j'en doute pas. Bon. C'est le merveilleux succès en ce moment. Genre dans le moment présent et relatif comme succès. Le Mange l'ours mange sur leur maxi Loin de l'œil. On adore ces pièces-là. Écoutez-la de nouveau jeudi dans les palmarès C'est fou en après-midi. Hein? Ben, c'est ça se passe. Alors, merci Justine Renaud qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. C'est la seule survivante. Donc, au revoir. Merci à elle, Justine Renaud. On la retrouve dans deux semaines. Demain, l'émission, François André va venir nous désaltérer notre soif de politique dans son segment Logocratie 101. On va discuter de publicité, de marketing dans mon nouveau le bloc pub. Ouais, il est plus nouveau, là. de moins en moins nouveau. Ça va être quoi? La troisième, quatrième fois, je pense que je le fais. On va apprendre comment mieux vivre notre vie, comme toujours, dans la méga chronique, les instructions d'assemblage. Et on va manger et ou boire quelque chose grâce à nos traditionnelles bouffe et malbouffe de la semaine. Ah, ça, j'ai déjà hâte. C'est demain, entre 6h30 et 9h30. On va être là, toi et moi, à partir de 7h30 en direct. OK, yes. Oh, oui. Sur nos ondes, aujourd'hui, évidemment, 11h, c'est Dîner de con avec Denis Janvier. À 13h, hors zone, émission de musique alternative. À 14h, Génie en liberté. 16h, je vais être de retour avec Marie-Ève Picard pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ensuite, Rapologie et Les Audacieuses. Mais dans quelques instants, dans moins de... Ben, en fait, un petit peu plus d'une demi-heure, ce sera Connaître ensemble. Pour tout savoir sur la périnatalité. À ne pas manquer. Cifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Passe une belle journée. Tout su. Merci. Dorioi. Bye. Oh, il est quoi? C'est toi qui raccroche en premier. Oh non, c'est toi qui raccroche en premier. C'est toi qui ferme le micro. C'est pas moi. En fait, c'est moi qui ferme le micro parce que c'est moi qui raccroche ça. Ça gâche la gueule un peu. Veux-tu te le faire à distance? Attention, pèse-le par magie. Je vais. Sauf que là, si j'arrête les micros, on pourra plus. Pèse à la pub à personne plus ça. OK, pub. Du 4 mars au 4 juillet 2014.